Chapitre 10e. Oh, la peur. Le lendemain, je reçois un coup de fil d'un nommé de Grode. Il m'a appelé son nom. Commandant de police au SRPJ. C'est lui qui s'occupe de l'affaire de l'égorgé. Et, rencardé certainement par Serge, il me demande de passer pour une rapide déposition. Nous convenons d'un rendez-vous en début d'après-midi. Après force salutations aux uns et aux autres, je finis par débarquer dans le burlingue de ce De Grode. Il se lève pour me serrer la paluche. Imaginez un frigo de 300 litres couvert d'un costard gris, avec sur le dessus une grosse boule rouge. Vous avez devant vous De Grode. Excusez-moi de vous avoir dérangé, commissaire, mais je dois rester ici pour centraliser des infos, et c'était plus pratique de vous faire venir. Vous avez l'habitude, non? Et là-dessus, le colosse me broie la main. Ses yeux bleus sont froids comme de la glace, mais au coin de l'œil, une petite ride indique qu'il doit avoir des moments de gaieté. Asseyez-vous. Comme je suis content de faire votre connaissance. Un gars de chez vous qui a pris du galon dans le Nord m'a parlé de vous. Esposito, vous connaissez. Il est commissaire à Lille maintenant. Quand j'ai été muté ici, commandant, il n'a pas tari d'éloges sur vous. Maintenant, même dans le Nord, vous êtes connu. Pour ce que j'en ai à foutre, me dis-je. Bon, on ne va pas y passer l'après-midi. Je vais faire mon possible pour vous aider, commandant. Sans qu'il me le demande, je lui fais le même récit qu'à Serge, grosso modo. Je mentionne l'épisode de l'estafette, sans en raconter l'issue fatale, bien entendu. Puis je passe à la dispute qui nous a opposée avec le métèque et les menaces qu'il a proférées à mon endroit. Lorsque je localise grossièrement l'endroit du campement où se trouvait l'estafette, De Grode se met à réfléchir en soufflant par les naseaux. Ce n'est pas là que deux mecs se sont fait refroidir à coups de calibre exact. Il continue à cogiter. « Si je comprends bien, vous avez donc trouvé les agresseurs de votre parrain, et vous n'avez rien fait. »« Pas facile, le gars du Schnorr. Il a oublié d'être idiot. Je suis obligé de recadrer l'entretien. »« Rien ne prouve que ceux qui occupaient l'estafette étaient les agresseurs. »« Et puis, vous savez, ces métèques, ils se couvrent les uns les autres, ont de faux papiers étrangers, ou pas de papiers du tout, enfin, vous les connaissez. »« C'est pas moi, c'est l'autre, et patin coup fin. »« Et patin coup fin, » répète De Grode. Pour graver cette expression dans sa mémoire. Puis il marmonne, comme pour lui-même. En ne portant pas plainte, ça vous permettait d'avoir les coudées franches. Enfin, ce que j'en dis, c'est pour dire des conneries. Je réponds aussi sec. Il farfouille alors dans ses tiroirs et en sort de Stella Artois. Je refuse l'offre, mais lui, sans décapsulune et tête goulûment. Bon, fait-il, il va falloir que vous m'accompagniez dans ce camp pour identifier ce mec. Il est possible qu'il ait égorgé sa compagne par vengeance ou parce qu'elle lui désobéissait. Allez savoir. Pour l'instant, on nage un peu. Michaud ne m'a pas dit grand-chose. Vous avez eu le rapport du légiste? Oui, en fin de matinée. La femme a été égorgée proprement, avec une lame fine, bien aiguisée, certainement en cutter. Mais le corps a été transporté une fois vidé de son sang. On devrait trouver des traces dans une bagnole quelconque. Elle n'a pas été violée, comme on aurait pu le penser. Il s'agit en fait d'un maquillage. Ce n'est donc pas un crime sexuel, mais un règlement de compte passionnel, peut-être? Ça peut, oui. On a relevé des traces d'ADN sur les cheveux, mais sans trouver d'appartenance pour l'instant. Bon, fait-il s'appuyant sur son bureau, pauvre bureau, pour se lever pesamment. Le mieux, ce serait que vous me le montriez, ce métèque, si on a de la chance de le trouver au gîte. Vous avez un peu de temps cet après-midi? J'aimerais bien le loger rapidement. Allons-y. Je sais ce que c'est que l'impatience. Je prendrai ma bagnole, ça m'évitera d'avoir à revenir ici. J'ai une paire de jumelles dans ma voiture, on en aura besoin. Parvenus en vue du campement, nous garons nos voitures à une bonne centaine de mètres, derrière une déclivité de terrain, et c'est à pied, les mains dans les poches, que nous nous approchons un peu. Je ziote et m'aperçois déjà que l'estafette n'y est plus. À l'heure qu'il est, elle doit être réduite en sculpture de César ou fondre dans un haut fourneau. Tout à coup, entre deux caravanes, j'aperçois notre homme. « Eh bien, le ch'ti, on peut dire que vous avez du bol. » Je lui passe la paire de jumelles et lui donne le signalement. « Entre les deux grosses caravanes, c'est le mec qui a une pastibalda sur la tête. »« Allez, on y va, » dit-il en se mettant en marche. « Oh, mollo, ce ne sont pas des enfants de cœur, ces mecs. Il faut être prudent. On avisera. »« Ouais, on avisera. Je vous signale que je n'ai pas d'armes. C'est comme si vous étiez tout seul. Si vous voulez le coffrer, il vaudrait mieux. Mais cet abruti est déjà loin et il ne m'entend plus. » Je m'assure que mon portable fonctionne et après avoir appelé pour demander dardard du renfort, je le suis malgré moi. Même un mec du Nord, on ne le laisse pas seul aller au casse-pipe. Je le vois prendre contact le premier avec l'ostrogo. De son bastin père, il exhibe sa plaque, puis la photo, certainement celle de la morte. Aussitôt l'homme se met à pousser des hurlements, des vagissements et bat sa coulpe. Puis avec des larmes de clown, les deux paumes en offrande vers le ciel, il se met à se lamenter dans son patois en tombant à genoux. « Tiens, je me dis, c'est un musulman. » De Groot a compris qu'on ne s'était pas trompé de bonhomme. Petit à petit, sans qu'il sache de quoi il s'agit, d'autres hommes et femmes font cercle avec le métèque et se mettent spontanément à geindre et à pleurer, eux aussi, les paumes vers le ciel. Apparemment, ils prient sans savoir pourquoi. Moi, je pense plutôt que ça fait partie d'une savante manœuvre pour finir par emprisonner le poisson de grotte dans la nasse où il s'est fourré. Le cercle va se refermer comme un filet. Je décide de m'avancer un peu. Tant pis, c'est risqué. Mais il faut que mon gros garçon du Nord comprenne que ça sent l'engambie. Dès que le métèque m'aperçoit, il pointe vers moi un doigt vengeur et vocifère « Louis, Louis !» suit toute une bordée d'injures lancées comme des crachats et reprises en chœur par les autres. « De Groot, il faut décrocher. Tu ne vois pas qu'ils vont nous engloutir comme une pieuvre ?»« Il fallait pas venir » fait-il en sortant son flingue et le pointant à la ronde. Il lâche la photo pour essayer fébrilement de sortir son portable de la poche. « Te fatigue pas, j'ai déjà appelé les renforts du coin. » Alors que le cercle se referme doucement, nous tentons un repli stratégique mais problématique. Je crains le coup de fusil ou de carabine en traître, tiré depuis la fenêtre d'une caravane. Après, nos corps seront enfuis dans la glaise du champ voisin ou la vase de l'étang. « Surtout ne tire pas !» dis-je à De Groot. Alors que nous recommandons nos âmes à qui en voudra bien, si toutefois nous avons une âme, des lueurs bleues scintillent dans le jour pâlissant, accompagnées de sirènes enchantées. Les collègues pénètrent dans le camp à grand dérapage nerveux. Les portières claquent, les pistolets automatiques menacent tout le monde à la ronde. Un officier de police que je ne connais pas s'approche de nous. « Rangez ça !» dit-il à De Groot. « Vous êtes malades ou quoi tous les deux ?»« Encore un peu, il en est arrivé trop tard !» De Groot nous présente et explique l'objet de notre présence. Le lieutenant qui vient de nous sauver s'en prend aussitôt à moi. « Commissaire Volpi, vous êtes devenu complètement frappadingue après votre anesthésie. Et en plus, entraîner dans votre connerie un collègue qui n'est pas d'ici, ça ne se fait pas, ça !»« Dis, tu vas t'écraser et t'adresser à monsieur pour les reproches, ok ?» Finalement, l'homme à la pastivalda est embarqué sous les grondements de ses coreligionnaires. Avec De Groot, nous regagnons nos voitures, un peu secouées par ce que nous venons de vivre. « Commissaire. »« Ouais, j'ai déconné. Heureusement, vous avez téléphoné avant. Merci. »« Eh ben, tu vois, je suis content de voir que tu t'es cagué dessus, comme moi. J'avais peur que dans ton costard, il n'y ait que de la bière. Tu vois, qu'on soit du nord ou du sud, quand il faut serrer les fesses, on le fait bien tous pareil. » Nous partons tous les deux d'un grand rire. « N'empêche, dit De Groot, on l'a échappé belle, brun. C'est quand il vous a vu que tout a commencé. Sinon, je crois que j'aurais pu m'en sortir. Ouais, c'est ça, crois-le. Ces types-là ne veulent surtout pas qu'on se mêle de leurs affaires. Ils auraient continué à t'enfumer et t'auraient pris une balle venue de nulle part. » Nous nous séparons en nous donnant la collade, soudés désormais par un épisode mémorable. « Tu me tiendras au courant, lui dis-je. T'inquiète, comme tu dis. » Le lendemain, vers 10 heures, on sonne au portail. Une femme d'une quarantaine d'années, ficelée dans un imper à ceinture, attend ma venue. « Bonjour, » dit-elle, « je suis Reine Juarez. Je peux vous parler une minute. » J'ouvre le portillon et la fait pénétrer dans l'allée. Sur le trottoir, je remarque une 106 avec quelqu'un à la place du passager. Sans aller plus avant, la femme m'explique qu'elle travaille pour une association qui s'occupe de venir en aide aux femmes en détresse morale ou physique. Elle a en charge les gens du voyage et les immigrées récentes, particulièrement celles du camp près de Berre. L'une de ces femmes est venue ce matin la trouver en lui disant qu'il fallait à tout prix qu'elle me rencontre, qu'elle avait des choses importantes à me dire. En fait, Reine est venue servir d'interprète. Immédiatement, une idée me saute à l'esprit. « Comment saviez-vous que j'habite ici ? » dis-je d'un ton sec. « C'est la femme qui a été assassinée qui lui avait donné votre adresse. » Elle lui avait dit qu'on pouvait avoir confiance en vous et qu'il fallait venir vous voir si quelque chose arrivait, ce qui s'est malheureusement produit. Devant mon assentiment, Reine fait sortir la femme de la 106. Aussitôt, comme si elle craignait un bombardement, elle se précipite vers l'entrée de ma maison. « Elle a peur, vous comprenez ?» explique Reine. « Eh ben, si en poulie, où je suis tombé, moi, avec ces volailles ?» Une fois la porte refermée, je fais asseoir mes deux visiteuses. La femme qui voulait me voir a le même look que l'égorgé, avec quelques années en plus et de la crasse en moins. Le foulard rivé sur la tête, elle commence à jacter à une allure fantastique sur une note aiguë. L'autre la calme et lui fait comprendre qu'il faut parler moins vite pour qu'elle puisse traduire. Au fait, qu'est-ce qu'elle parle comme langue ? C'est du tchétchène, mais moi je lui parle en russe, et un peu en arabe, enfin, on arrive à se comprendre. Après chaque bord des deux phrases tchétchènes, Ren essaie de me transmettre le message. Ce n'est pas Chamil, l'homme bonnet vert, qui a assassiné sa femme, mais ce sont des frères musulmans qui veulent remettre de l'ordre dans les mœurs de la communauté. Ils ont promis un châtiment exemplaire à toute femme qui ne se conduirait pas comme une bonne musulmane. Normalement, c'est au mari de punir sa femme, mais comme Chamil ne faisait rien, ils ont égorgé Zouli à sa place en faisant croire un viol. « Et les gosses, bordel, qui va s'en occuper ?» dis-je, l'air féroce. « C'est l'autre femme de Chamil. »« Ben voyons !»« Vous ne leur dites pas, vos métèques, qu'en même temps qu'ils acceptent les aides, il faut respecter les lois de la République ?» S'ils veulent garder leurs propres lois, ils n'ont qu'à rester dans leur pays. Ici, c'est la France. La France. Pauvre tâche. Hurlai-je dans les oreilles de la femme au foulard. Laissez-la tranquille, la pauvre. Ces femmes ne demanderaient pas mieux que de bénéficier des lois françaises, parce que chez eux, la femme est la propriété de l'homme. Il peut en faire absolument ce qu'il veut, même la tuer. S'ils apprennent qu'elle est venue vous voir, celle-là aussi sera retrouvée dans un fossé. Je me radoucis un peu en pensant à leur calvaire, mais la haine, la hargne pour ces salauds qui s'arrogent le droit de vie ou de mort sur les femmes qu'ils traitent moins bien que du bétail, me submerge. La femme reprend sous l'aïeuse et Ren traduit. Chamil aussi, ils vont le tuer, pour ne pas qu'il parle. Eh ben si ça continue, ils vont tous s'entretuer, bon débarras. Monsieur Volpi, me fait Ren d'un ton désapprobateur. À ce moment, on entend le cliquetis d'un trousseau de clés dans la serrure. La vieille jette des regards de terreur, se lève et tourne en rond comme si elle cherchait un trou pour s'y cacher. La porte s'ouvre. « Salut tout le monde !» C'est Lisa qui revient du lycée. « La prof est encore absente, je te jure, celle-là alors !» Son air guilleret et son allure font baisser la garde aux deux femmes qui finissent par lui sourire gentiment. La conversation peut reprendre calmement. « C'est vrai, je m'en cagne pour rien. Pardonnez-moi, Madame Juarez. Vous faites ce que vous pouvez. » Et je comprends que vous aussi vous risquez gros. Oh oui. Écoutez, je vais voir ce que je peux faire pour desserrer l'étau. L'autre se met encore à jacter. Elle dit que les deux qui ont été assassinés à l'entrée du camp, ce n'est pas un coup des frères tchétchènes. Eux, c'étaient des Serbes. Oui, ça je sais. Mais comment font-ils pour coexister? Très mal. Il y a des bagarres incessantes. Et quelquefois des meurtres aussi. Mais ils gardent le silence. Chaque ethnie a barre sur une autre. Les Serbes et les Roms sont les bailleurs qui possèdent les caravanes. Ils les louent aux plus pauvres qui, à leur tour, exploitent les femmes et les enfants. C'est triste. Vous savez, dans la misère, il y a bien longtemps qu'il n'y a aucune solidarité. Mon Dieu, je m'exclame, mais je ne préfère pas développer ma pensée. De toute façon, ça ne fera pas avancer le schmilblick. Je veux ouvrir le portail, et vous allez reculer jusqu'à la porte avec votre voiture. La femme montera au dernier moment. Ça la rassurera un peu. Nous échangeons nos numéros de portable pour communiquer en cas de besoin. La femme, en passant devant moi, me baise les deux mains avec un regard de reconnaissance éternelle. Pétard, me voilà investi d'une mission de chevalier blanc. Manquait plus que ça. En partant, Ren me serre longtemps la main puis murmure « Faites attention à vous ». « Tu fais dans l'humanitaire maintenant ?» me lance ironiquement Lisa. Dès que les femmes sont parties, je bigophone à De Groot pour le mettre au courant. Il est sur le terrain. Me dit Berthaud. File-moi son numéro de portable, il faut que je le joigne, c'est important. Je réussis à voir De Groot sur le terrain. Allô, Bilout, où t'es là? Ah, au camp. T'es pas tout seul cette fois. Écoute, j'ai quelque chose d'important à te raconter. Rappelle-moi, parce que je ne veux pas faire exploser mon forfait de portable. De Groot me rappelle en effet. Je lui fais un digest de l'entretien avec les deux femmes. Pastivalda est innocent. Et il faut dégoter le chef des intégristes du camp. En général, ces mecs-là ont un ego surdimensionné. Demande à parler au chef. Ils doivent certainement l'appeler Sheikh, machin truc. Ok, j'ai compris. Mais ne relâche pas celui que tu as coffré. Sinon, ce soir, il est mort. Il s'appelle Chamil. Dès que j'ai du nouveau, je t'appelle. T'es un pote. Ciao. Un bon quart d'heure plus tard, De Groot me rappelle. Ça y est, je tiens le chef. On rentre. Viens au SRPJ. Je crois que tu ne vas pas le regretter. Gilda est prise jusqu'à plus de 7 heures par le goûter et la fête du cercle des anciens. Quant à Lisa, elle a son cours de piano jusqu'à 19h30. Je suis libre comme un étudiant gréviste, autant en profiter. Lorsque j'arrive sur place, le chèque est déjà dans la cage, un genre de pantone en poils sur la tête, une robe sale qui lui descend jusqu'aux chevilles, une barbe à poux, la panoplie complète, quoi. Il jette tout autour un regard plein de haine et de mépris, relevant la tête, pinçant les lèvres et plissant le nez. De Groot pénètre dans la cabine et demande au chèque de s'asseoir. Pour toute réponse, l'autre lui crache dessus. « Ouh, je sens qu'il a eu tort. » De Groot devient presque cramoisi. Il appelle un gardien et à deux, ils assoient de force le furieux qui continue à glavioter tous azimuts, puis lui passe les bracelets, les poignets derrière la chaise. D'un revers de main, De Groot envoie le pantone baldingué. « Ici, quand on est poli, on enlève son chapeau à l'intérieur des maisons, » dit-il. L'autre arbore un crâne complètement rasé. De Groot se met à se marrer comme une baleine. De toute évidence, il n'a pas apprécié les crachats et joue la carte de l'humiliation à tout prix. « T'es trop beau comme ça, avec ton crâne rasé, tes poils. On a l'impression qu'on t'a mis la tête à l'envers. Les cheveux en bas et le menton en haut, tu es renversant. » Là-dessus, il attrape un réel fou rire et tout le monde se marre avec lui derrière la vitre. L'autre entame une loguerie insultante dont tout le monde se fout, vu qu'on y comprend nib. Un peu calmé, De Groot, des larmes encore dans les yeux, se rapproche lentement du chèque. « Je te préviens que si tu craches, je t'arrache la barbe poil par poil. » En réponse, l'autre lance un glavio, mais par terre cette fois. De Groot passe derrière lui et lui balance une grande claque derrière le crâne. « T'avais une mouche !» Je me tourne alors vers le gardien à côté de moi et lui demande si l'autre Gus comprend tout ce que De Groot lui dit. « Parfaitement, me répond-il. Dans la bagnole, il s'est plaint tout le long, et dans un français parfait. » De Groot va se placer à l'autre bout de la table et soudain claque le plateau de ses deux patasses, produisant une vraie détonation. L'autre sursaute. « Ah, tu vois que t'es la trouille, grande fiotte. Bien sûr, c'est facile de faire peur aux femmes, c'est facile de leur foutre des coups. Tu sais bien qu'elles ne vont pas te les rendre. Et pour les hommes, vous y allez à plusieurs, parce que tout seul, il n'y a plus personne, hein. Tu veux que je te dise que t'es une merde, une grosse merde qui n'a pas de couilles dans le pantalon. Tu ne vas pas leur faire bien mal, toi, aux vierges de ton paradis. » Là, il attaque fort, le ch'ti. C'est complètement contraire aux recommandations, surtout pas d'humiliation. Tu parles, et se faire cracher sur la gueule, c'est pas humiliant, peut-être. Sous la diatribe, le chèque a viré au vert et s'agite d'un léger tremblement. Il ne doit plus avoir de salive, c'est pour ça qu'il ne crache plus. Alors tu me dis quand tu as tué Zouli et comment vous avez transporté le corps? L'autre finit par réagir. C'est pas moi. Ah, celle-là, je l'attendais. C'est pas toi, c'est jamais toi, fumier bas. Il faut toujours que tu te caches derrière les autres, hein? Tu es sûr que t'es pas un peu... Enfin, tu vois, c'est pour ça que t'aimes pas les femmes. Le tremblement du chèque s'amplifie. Il finit par se balancer d'avant en arrière, tout en sautillant sur la chaise, comme s'il voulait entrer en transe. Ça y est, me dit le gardien, il va nous faire le coup du toubib. Mais non, vous ne voyez pas qu'il est en manque. Il doit carburer au joint à longueur de journée. Ces mecs-là, ils ont été élevés avec un pétard à la place du biberon. De Groot nous lance un coup d'œil interrogatif à travers la vitre. « Allez chercher De Groot, » dis-je au gardien. De Groot souffle comme un phoque et s'éponge le front. « Vous ne direz rien si je le tue. T'affole pas. Ton mec est camé jusqu'à l'os. Il est en manque et tout à l'heure, il va se mettre à se tordre le ventre. Va voir s'il n'y a pas moyen d'avoir de la méthadone à l'étage. Tu poses la boîte sur la table et tu vas voir le miracle se produire. » Pendant l'absence de De Groot, nous laissons mariner le barbu histoire de bien le préparer. À force de gigoter, il est tombé avec sa chaise sur le côté, apparemment sans mal. Maintenant, il gambille à une vitesse effarante, mais toujours aucun cri ne sort de sa bouche. Il est beaucoup plus endurant que ce que le croit De Groot. Il doit avoir l'habitude. Quand le commandant revient dans la salle, en découvrant la position du chèque à terre, il lui vient une idée facétieuse. Il tourne la chaise de façon à lui mettre le front par terre et les fesses en l'air. « Tiens, je t'ai tourné vers la Mecque. Tu peux prier, t'auras moins mal. » Puis, au bout d'une dizaine de secondes, il redresse la chaise en position normale. « Tu souffres, hein? Dis-moi quand tu as égorgé Zouli, et tu vas tout de suite aller mieux. Regarde, » dit-il en posant le flacon de cachet sur la table. « C'est pas moi, » répond l'autre en se tordant. « Bon, d'accord, c'est pas toi, mais tu y étais. » Et se disant, De Groot avance le flacon vers le chèque. « Oui, j'y étais. C'est moi qui commande. » De Groot débouche le flacon. À travers la vitre, il fait signe au gardien de venir. « Allez chercher un grand verre d'eau et détachez-le. » Le Tchétchène s'affale sur la table, en nage, visiblement épuisé par la lutte qu'il vient de mener contre lui-même. Dès que l'eau arrive, il se précipite sur le cachet que De Groot lui a tendu et avale l'eau goulûment. « Finalement, lui dit De Groot, je retire ce que j'ai dit. T'es beaucoup plus costaud que ce que je croyais, mais t'es quand même un assassin. » Puis, au bout d'un moment, quand le cheikh a repris ses esprits, De Groot demande « Et les Serbes, pourquoi vous les avez tués ?»« Arrête tes conneries, les Serbes, c'est pas les musulmans qui les ont tués. Nous, tôt ou tard, on les aurait égorgés, parce qu'ils profitaient de nos femmes. Mais c'est un infidèle qui a fait le coup, ceux qui dépensent de l'argent pour tuer quelqu'un. » Aussi sec, un frisson glacé me parcourt l'échine. Je crains le pire, car après avoir bu une nouvelle gorgée, le métèque continue. « Oui, c'est un mec, avec une moto, nous on n'a pas de moto. » « Oh, bonne mère !»« Je vais me mettre à la méthadone, pour reprendre un rythme cardiaque normal. » Ils ont dû voir ce qui s'est passé, mais ont identifié le motard qui m'a pris en chasse comme l'assassin. « Merci, le cheikh. Allah Akbar !» Un peu rasséréné, il essaie de reprendre la main et de retrouver sa morgue. « Tu es un sale raciste anti-islamiste » lance-t-il à De Groot. « Mais non, t'as rien compris, ou tu fais exprès. Ne confonds pas la religion et le crime, ce n'est pas la même chose, du moins chez nous. » « Heureusement que tous les musulmans ne sont pas comme toi, sinon il n'en resterait pas beaucoup sur la planète. »« Merci quand même pour la méthadone. »« Tu te suicides, là. T'as pas besoin qu'on t'égorge, toi. Tu crèveras de ça. Et en prison, il va falloir que tu t'écrases bien bas pour en avoir. »« Inch'Allah. » Sur le chemin du retour, je reçois un appel sur mon portable. Une fois garé sur le bas-côté, j'identifie l'appel comme provenant de Ren Juarez. Je la rappelle aussitôt. « Monsieur Volpi. » « Je voulais vous remercier au nom de toutes les femmes. Vous avez fait vite. »« J'ai fait ce que j'ai pu, mais ce n'est pas moi qu'il faut remercier. »« C'est qui alors ?»« Moins vous en saurez, mieux cela vaudra. »« Merci quand même, mais je prie pour qu'un autre ne prenne pas la relève, ce qui est plus que probable, malheureusement. »« Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ?»« Vous avez gagné une bataille, mais pas la guerre. »« Depuis des millénaires, l'homme n'a pas fait l'ombre d'un progrès sur le plan moral. »« Mais ce n'est pas une raison pour désespérer de tout. »« Continuez votre action. » « Courage et soyez prudente !» Je raccroche en pensant qu'il y a comme cela des milliers de gens qui apportent leur pierre à l'édifice. Mais c'est comme si on voulait vider un océan avec un dé à coudre. Pourtant, point n'est besoin d'espérer pour entreprendre. En arrivant à la maison, j'aperçois Louisa pénétrer chez Bart. Soudain, il me vient une idée. J'entre chez moi, en ressors aussitôt avec mon appareil photo et me rends chez Bart. « Louisa !» Vous avez déjà envoyé des photos à votre mère? Non, je n'y ai pas pensé. Vous êtes accroqué avec votre jean aujourd'hui. Et aussi sec, je lui tire le portrait en pied, par en dessous, ce qui aura pour effet de la magnifier et de la mincir un peu plus. Ou alors vous êtes bizarre. Tenez, je vous prête l'appareil. C'est entièrement automatique. Prenez les photos qui peuvent intéresser votre mère, votre logement, ici, enfin ce que vous voulez. Je les mettrai dans mon ordinateur portable et comme ça, votre mère pourra les voir. Avec un pâle sourire, elle prend l'appareil et murmure « Merci, c'est gentil ».